nu adai nu ka ye koi bungo tutti tu sei tu tut ko tu sei tu le nu adai nu ka fuye ko tululu Yon paket fam, paske yon ni yon tou Yon ka se videli, pou an se nom la fou E nou ki eme sa, nou ka plonge a dan San menm gade, lole lole lola Tini piti tou, yon ka kriye chatou Evetin gantou, yon ka kriye hibou Fou pa ou jalou, paske ou kevin fou Kontou loulou, lole lole lola Touti tou se tou, tout kontou se tou Le nou adey nou ka kriye kon hibou Nwa dey nou ka fouye kon tou loulou Mache tout le temps kon boukou Alors chéri mwen di fo ban mon ti kou I ka fè mwen fouye tout loulou I ka fè mwen kriye kon hibou I ka fè mwen mache tout le temps kon boukou Alors chéri mwen di fo ban mon ti kou I ka fè mwen kriye kon hibou I ka fè mwen fouye kon tout loulou C'est ça qui a dominé, non? C'est ça qui a dominé. C'est ça qui a divisé, non? C'est ça qui a dominé. C'est ça qui a construit, non? C'est ça qui a dominé. C'est ça qui a dominé, non? Oh oh. Tout et tout c'est tout. Tout quand tout c'est tout. Les noix d'ail nous qu'a crié qu'on y boum. Nwa dey nou ka fouye kon tou loulou Wayayay Oyoyoy Wayayay Oyoyoy Wayayay Oyoyoy Wayayay Oyoyoy I ka fè mwen mache tout le temps kon boukou Alors chéri mwen di fo ban mon ti kouti I ka fè mwen fouye kon tou loulou I ka fè mwen kriye kon hibou I ka fè mwen mache tout an kon boukou Alors chéri mwen di fo ban mon